On va parler de cycliste Victor Véraud de Saint-Félicien et de passage dans ce secteur après une petite pause. Il a fait des compétitions en Europe. Question un peu de savoir comment que ça va, on lui parle. Salut Victor! Bonjour. Et Victor, comment c'était tes premières compétitions de l'année? J'ai vu sur les médias sociaux que la dernière était un petit peu déçue par contre, hein? Oui, ben c'était ma première de l'année, effectivement. Pas la première de l'année, mais c'était la première dans la catégorie élite. C'était la première OK. Coupe du monde que je faisais. Puis ça avait lieu au Brésil, là, en Amérique du Sud. J'ai fait sensiblement une bonne compétition. Mais ben, tu sais, dans les premières compétitions, c'est toujours plus dur parce qu'on se retrouve à décoller à l'arrière du peloton. Ouais. Puis il y a souvent des embouteillages là, en début de parcours, ce qui cause des gros écarts de temps là, entre les premiers, par exemple, et les derniers. OK. Dans ces compétitions-là, le problème, c'est que si le premier prend trop d'avance sur le dernier, par exemple, les derniers sont sortis pour pas nuire au premier. OK. Fait que c'est un peu ce qui m'est arrivé là, avec l'écart qui se crée là, dans les premiers tours. Ben, on se retrouve à perdre comme presque 5 minutes là, dans les deux premiers tours à cause qu'on est obligé de marcher là, à l'arrière. OK. Mais je le savais que j'avais à passer par là. Toutes les autres que je connaissais ont fait ça aussi dans leur première année, puis surtout dans leur première course. Mais je suis sensiblement content de ma performance là, quand même. C'est-tu une longue piste? C'est des tours environ là, que les hommes élites faisaient environ en 12 minutes. Là. OK. Fait que, on n'a pas un gros gap là pour. C'est pas long qu'ils prennent 4 minutes là, si ça bouge un petit peu à l'arrière. OK, puis vous autres, vous faites ça en comment? 12 minutes à peu? Si les premiers le faisaient en 12, je suis capable de le faire en 13,5, 13,45 probablement. Soit OK. 1 minute et 30 environ de plus. OK. Dis-moi, donc c'était ta première compétition de l'année? Je l'ai fait quelques compétitions préparatoires en Europe. J'avais fait deux compétitions. OK. Puis là, je l'avais refait également une au Brésil avant cette Coupe du Monde-là. Mais c'était vraiment ma première Coupe du Monde, là, le circuit de la Coupe du Monde. Puis surtout chez les élites, là, vu que je suis nouveau dans la catégorie. Dis-moi, le Brésil, l'Europe. Le Brésil, je pense que c'est chaud à cet ainsi de l'année, hein? Oui, il y a eu aussi une bonne acclimatation, là, puis ouais, c'est un ça. Bon choc là, à comparer à nos températures ici. Là, on est parti des moins 10 là, juste avant que je parte. On est arrivé là-bas, il faisait 35 à l'arrivée à l'aéroport. Au Brésil, c'est où? C'est au Brésil, c'est ça? Oui, au Brésil, exactement. Puis l'humidité est extrême. Là. C'est des taux d'humidité là, de 96-97%. OK. Dis-moi, c'est vraiment là, la chaleur à l'écran. Oui. Est-ce que t'aurais été mieux de partir plus tôt un peu et faire tes compétitions en Europe, au Brésil, des compétitions préparatoires au lieu de l'Europe? Ça aurait pu se faire, sauf qu'au Brésil, justement, les compétitions, c'est quand même assez très rare. Il y en a moins un peu qu'en Europe. OK. Puis là, justement, les deux compétitions qu'il y avait, ils les ont joints ensemble. Il y a une fois dans l'année qu'il va y avoir des compétitions au Brésil, puis c'est à ce moment-là. Là, ils ont toutes les deux joué ensemble. Fait qu'il n'y avait comme pas d'autre vraiment façon d'y aller là, à la plus tôt ou ben, plus même un autre moment dans la saison. Là. OK. Donc, après ça, c'était avant ça, c'était l'Europe. Comment ça s'est passé en Europe? Ça a bien été? En Europe, ça avait super bien été. Là, ma première course de l'année, j'avais été un peu même surpris de ma forme. J'avais une très bonne forme, puis je ne m'attendais pas à ça. Puis, fait que j'étais confiant pour la deuxième course en Europe. Puis, environ 4 minutes là, après le départ, je me retrouvais environ en 20e position, là, ce qui est excellent aussi, encore une fois, pour moi. Puis j'ai subi un accrochage. Là. On était en peloton encore là, sur l'asphalte. C'était comme la boucle de lancement un peu. Là. Puis la personne à côté de moi s'est tassée pour éviter quelque chose. Puis elle m'a malheureusement touché. Puis on a toutes les deux tombé là, sur l'asphalte. Là. OK. Fait que, ça a comme brisé un peu le début de la course. On est reparti toutes les deux en dernier. Puis j'ai pu. À partir de là, je me suis dit, let's go. Je suis rendu là, ben, j'essaie de retourner en avant. Puis j'ai fait quand même une très bonne course. Performance, mais le résultat était un peu dévié là, à cause de la chute du départ. OK. Si on parlait un peu de te parler de l'élite aujourd'hui, c'est ma première année au niveau élite. Est-ce que c'est quoi ton objectif là-dessus? Mon objectif, c'est ça. C'est un peu de prendre de l'expérience. Puis, tu sais, je me base beaucoup sur les autres, un peu, là, les autres Canadiens qui ont passé par là. Puis que, tout le monde, tu sais, c'est réputé là, comme quoi que la première année élite, là, tout le monde a un peu de difficulté. Puis c'est comme, on tombe c'est la Ligue nationale, dans le fond, la ouais. Catégorie élite. Mais il n'y a pas plus gros. Léandre, tu es dans le même, tu trouves être dans le même circuit que Léandre. Oui, exactement, c'est ça. Okay. Puis, tu sais, Léandre, lui, justement, ça fait quelques années qu'il est là-dedans. Puis c'est pour ça que là, il s'en vient là, à son plein potentiel. Puis moi, je suis chanceux de pouvoir le côtoyer. Puis, d'apprendre de lui parce que, tu sais, lui, dans la NHL, ben, si on parle de ça, il est top 30. Là, fait que c'est quand même c'est excellent. Là. C'était ta première compétition aussi avec circuit régional, je veux dire une équipe régionale. Est-ce que ça a bien été de ce côté-là? Je sais que tu as un coach qui te suit. Est-ce que ça, de ce côté-là, ça s'est bien passé? Oh oui, ça, on a eu une très belle expérience. C'est ça. En Europe, c'était comme notre premier petit projet, mais là, c'était comme notre vrai projet officiel de Coupe du Monde. On avait un accompagnateur, un mécanicien, puis on était quatre gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, puis on a trippé. C'est là qu'on a vu qu'il y avait vraiment une efficacité aussi là, à avoir cette équipe-là. Là. Ça doit aider pareil. Je veux dire, même les autres années, t'étais. Des fois, tu me corriges, je me trompe, mais t'étais pas mal tout seul. Hein? Oui, exactement. Ça doit avant, aider. C'était comme on s'arrange par moi-même. Ouais, là, c'est. Tandis qu'avant, tu sais. Je me trouve un hôtel, je me trouve un auto, j'essaie de m'arranger, ça me prend des gens pour m'aider, mais c'est difficile à trouver. Tandis que là, tu sais, on part, tout est booké déjà d'avance, on est les quatre ensemble, puis on a l'aide de, tu sais, les mécaniciens, puis l'accompagnateur, ben, il nous aide pour le manger, tu sais, laver nos vélos, s'occuper de nos vélos. C'est tout du temps qu'on a plus à prendre pour nous, puis se reposer, puis être vraiment focus sur la performance qu'on a à faire, puis effectuer notre travail à 100% dans le fond, nous autres, qui est de performer. Là. OK. Ça, c'est du temps que tu peux réinvestir ailleurs. C'est ça, exactement. Comme moi, là, je m'en sers un peu pour étudier en plus, investir dans mes études. J'ai du temps quand je suis à l'extérieur pour le faire, plus qu'à l'habitude, pas mal. Ouais. Et aussi, tu sais, on s'en sert pour faire de la préparation mentale, des étirements. Tu sais, essayer tout de perfectionner là, les autres détails qu'on a du temps pour le faire, justement. OK. Bon, là, t'es petit dans la région pour combien de temps, à peu près? Là, je repars samedi déjà, puis je prends l'avion dimanche matin de Québec. Pour okay. L'Arkansas. L'Arkansas, OK. Donc, ça ouais. va être... Puis la prochaine compétition? Jours. Ouais, un petit 4 jours à la maison. Puis là, en Arkansas, il y a 3 compétitions en une semaine. Okay. Il y en a une le mercredi, le vendredi, puis le dimanche. OK. Puis là, suite à ça, là, il y a des plans qui ont un peu changé parce que mon coéquipier a été blessé. On okay. était supposé partir en Europe à la suite de l'Arkansas, mais là, probablement que je reviendrai chez moi une semaine avant de partir pour en Europe à la place. Là. Bon, OK. Ben, Victor, on va te donner la meilleure des chances. Au plaisir de se reparler à la prochaine compétition. Bon, ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Notre ami Victor Véraud qui nous parlait de son début de saison.